Mais pourquoi est-ce que t'as dit à ma mère qu'elle cuisinait mal? C'est vraiment pas gentil. Peut-être, mais c'est vrai. Tu n'aurais pas dû, tu l'as vexée, et en plus ça sert à rien, elle continuera à faire mal la cuisine. Oh arrête, tu me fais toujours des reproches.